بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui le cours 6 dans la lecture du livre Al-Amru bi Luzum Jama'at al-Muslimin wa Imamihim wa at-Tahdhir min Mufaraqatihim. Et le titre de ce chapitre nouveau qu'on commence aujourd'hui c'est التشديد في ترك الجماعة ومفارقتها. Hein? Donc, c'est-à-dire les explications et les paroles sévères qui ont été rapportées au sujet de délaisser la jama'a et de se séparer de celle-ci. Et le Cheikh Abdussalam ibn Burjis, rahimahullah, il dit ici في المقابل لأوامر الشرع المطهر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم جاءت النواهي الشرعية عن مفارقة الجماعة والخروج عليها وألحقت بالخارج عليها عقوبات صارمة تتلاءم مع عظم جريمته. وها هو طرف يسير مما جاء في التحذير من مفارقة الجماعة عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال ابن عباس في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ونحو هذا في القرآن أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. Donc on va commencer par traduire cette explication. Et le Cheikh Abdussalam ibn Burjis, il dit, à l'opposé des ordres de la charia, de la révélation, de rester et d'adhérer à la jama'a des musulmans ainsi qu'à leurs dirigeants, il y a des interdictions de la révélation et de la législation divine qui ont été rapportées sur l'interdiction donc de se séparer de la jama'a et de sortir de la jama'a. Et il y a des punitions qui ont été rapportées au sujet de la personne qui sort de la jama'a ou qui se sépare de la jama'a, et une mention également de la gravité et de la grandeur de son crime. Donc ça, ces punitions-là indiquent la gravité du crime de celui qui se sépare de la jama'a. Et voici donc quelques exemples simples qui ont été rapportés sur la mise en garde vis-à-vis de se séparer de la jama'a de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la part de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de la part des prédécesseurs de cette umma, les salaf. Le cheikh il commence donc par mentionner une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le verset 105 ou bien une partie du verset 105 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé. Et Abdullah ibn Abbas il dit à propos de la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on vient de mentionner, la traduction du sens duquel est « et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé », Abdullah ibn Abbas dit à ce sujet, il y a des exemples de ce genre dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de rester en groupe, de rester avec la jama'a, avec leurs dirigeants, et leur a interdit la divergence et la division, et il leur a informé du fait que ceux qui étaient avant eux se sont uniquement ou ont uniquement péri à cause de leurs disputes et de leur argumentation et de leurs débats dans la religion. Et il mentionne ensuite il dit وقوله رضي الله عنه ونحو هذا في القرآن يشير إلى مثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما وقوله وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية. Donc ici le cheikh il explique que lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit « Et ce qui est semblable dans le Coran », il parle de versets dans le Coran comme les versets suivants. Le verset 153 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin ». Donc ça, c'est le premier verset qu'il a cité. Et l'autre verset qu'il a cité, c'est le verset 13 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « An aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fih » hein? Et qu'est-ce qui est mentionné avant ce verset-là, hein? « Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fih » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné pour vous de la religion ce qu'il avait enjoint à Noé et Abraham et Moïse et Isa et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le verset en question, le verset 13 dans Surat Ash-Shura. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il leur a enjoint et ordonné, c'est d'établir la religion et de ne pas se diviser au sujet de celle-ci. Et ensuite il dit وقال البغوي رحمه الله بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة أما ما جاء في السنة من ذلك فهو كثير يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مفارقة الجماعة وَيُبَيِّنُ الْعُقُوبَاتَ الشَّدِيدَةِ فِي حَقِّ مَنْ فَارَقَهَا. Donc ici le cheikh il cite donc la parole de l'imam al-Baghawi hein, au sujet de ces versets-là. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc à propos du verset 13 dans surat Ash-Shura, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes pour établir la religion et l'accord, hein, la bonne entente et la jama'a, et de délaisser la division et la contradiction. Hein? Donc ça, c'est des exemples à ce sujet-là que l'imam al-Baghawi a expliqué par rapport à ce qui est dit dans ce verset. Il dit ensuite, tandis que dans la sunna, il y a beaucoup d'exemples, des exemples très nombreux, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit contre le fait de se séparer et de se diviser de la jama'a, et dans lequel il clarifie les punitions sévères qui ont été rapportées au sujet de celui qui se sépare de la jama'a. Et donc, il va énumérer un certain nombre de hadiths à ce sujet-là. Et on va les lire ensemble maintenant, ces hadiths-là. Donc, d'après ce que je vois ici, il y en a environ 7 qui sont rapportés, des hadiths et des narrations des salafs. Donc, on va lire ça ensemble. Le premier, فَمِنْ ذَلِكَ إِخْبَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَعَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامَ مِنْ عُنُقِهِ أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي خلف عن موسى ابن خلف حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد ابن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وإن صام وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. Donc, on va commencer donc par traduire ce premier verset, ce premier hadith qui a été rapporté par le Cheikh Abdussalam. Il dit que parmi les punitions sévères qui ont été rapportées au sujet de celui qui se sépare de la jama'a, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé celui qui se sépare de la jama'a qu'il a retiré de son cou le collier qui le rattache à l'unité de l'islam et des musulmans. Et ça s'est rapporté par l'imam Ahmed dans sa musnad et il a mentionné la chaîne de transmission jusqu'à Al-Harith Al-Ash'ari et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ordonne 5 choses que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné. La première c'est la jama'a, la deuxième c'est as-sam'a. Donc la première c'est la jama'a, c'est-à-dire de rester unis, de rester autour de notre dirigeant. La deuxième, c'est l'écoute du dirigeant. La troisième, c'est l'obéissance au dirigeant dans le bien. La quatrième, c'est al-hijra, de quitter les pays de kufr pour les pays de l'islam, ou de quitter les pays de bid'a pour les pays de la sunna, et ainsi de suite. Et la cinquième, c'est le jihad dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire le fait de lutter dans le sentier d'Allah pour la vérité, hein, pour élever la parole d'Allah. Donc, celui qui sort de la jama'a, la distance qu'on appelle en arabe shibr. Hein, shibr, c'est, je crois, la distance à peu près de la longueur d'une main. Donc j'ai oublié à quoi correspond ce terme-là. Il a retiré de son cou, donc il dit. Celui qui sort de la jama'a, hein, même si c'est juste d'une courte distance, hein, la distance à shibr. Shibr, c'est la distance d'une main à peu près, hein, une main moyenne. Donc, alors, il a retiré de son cou le collier qui le rattache à l'islam, qui le protège, hein, qui le rattache à l'islam et aux musulmans, jusqu'à ce qu'il revienne. Et celui qui appelle à des idées ou à des appels de la jahiliya, c'est-à-dire des choses pré-islamiques, ou des choses, le fait d'appeler au tribalisme ou au nationalisme ou à d'autres formes et d'autres genres de fanatisme de ce genre, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fahuwa min jutha jahannam. Donc il va faire partie. Hein, du carburant de l'enfer. Et il dit, et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, même s'il fait le jeûne, même s'il fait la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il jeûne, même s'il fait la salat et qu'il pense qu'il est musulman, ou qu'il prétend qu'il est musulman, alors appelez les musulmans par leur nom, le nom par lequel Allah les a appelés, azza wa jal, les musulmans, les croyants, les serviteurs d'Allah, azza wa jal. Ensuite, il rapporte une autre narration de ce hadith. Il dit « Wa akhraja l'imam Ahmad fil musnad min tariqi Khalid ibn Wahban an Abi Dharrin radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man faraqa al-jama'a shibran khala'a ribqata al-islam min unuqih man faraqa al-jama'a shibran khala'a ribqata al-islam min unuqih وفي لفظ له من خالف الجماعة شبرا الحديث وأخرج أبو داود في سننه كتاب السنة باب في الخوارج وابن أبي عاصم في السنة باب في ذكر مفارق الجماعة كلاهما من طريق ابن وهبان به وأخرج ابن بطة في الإبانة بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه وأخرج أيضا بسنده عن سعد بن حذيفة ابن اليمان عن أبيه حذيفة ابن اليمان قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال الخطابي في معالم السنن: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالتوق يمسكها لأن لا تشرد. يقول: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. انتهى كلامه. Donc ici le Cheikh il rapporte d'autres narrations de ce hadith comme on a lu, celle de l'imam Ahmad selon selon Khalid ibn Wahban, selon Abi Dharr radiyallahu anhu, qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se sépare de la jama'a, même de la distance d'une main, il a retiré de son cou le collier qui le protège et qui le rattache à l'islam. Et dans une autre narration, quiconque contredit la jama'a, même si c'est de la distance d'une main. Et il a été rapporté, ce même hadith a été rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, dans le chapitre Kitab al-Sunnah, le chapitre au sujet des Khawarij. Et également par l'imam Ibn Abi Asim dans son livre al-Sunnah, dans le chapitre au sujet de celui qui se sépare de la Jama'a. Et les deux l'ont rapporté selon la voix de Ibn Wahban, et également une autre narration ou bien un autre hadith le même hadith a été rapporté par Ibn Battah dans son livre Al-Ibana avec la chaîne de transmission selon Ali radiyallahu anhu, dans lequel il dit: quiconque se sépare de la jama'a, même de la distance d'une main, alors il a retiré de son cou le collier qui le préserve à l'islam et qui le protège. Et une autre narration qui est rapportée également par l'imam al-Lalakai, selon le fils de Hudhayfah ibn al-Yaman, Sa'd, selon son père, qui dit: celui qui se sépare de la jama'a, même de la distance d'une main, il a retiré de son cou le collier qui le protège et qui le rattache à l'islam. Le collier qui le protège. Et l'imam al-Khattabi, dans Ma'alim al-Sunan, l'explication de Sunan Abi Daoud, il dit dedans que le terme al-Ribqa, qui est mentionné dans ce hadith, c'est en réalité le collier qui est accroché au cou des animaux, des moutons par exemple. Les bébés moutons, lorsqu'ils naissent, on les attache par le cou avec un genre de collier. Et le but de ce collier-là, c'est de les empêcher de fuir ou de s'en aller pour s'écarter du troupeau et pour éviter qu'ils se fassent justement dévoré par les loups et qu'ils s'égarent ou qu'ils se perdent. Et donc, l'imam al-Khattabi, il explique que celui qui sort de l'obéissance du dirigeant et qui se sépare de l'ordre qui leur a été donné de rester unis, alors il s'est égaré et il a péri. Comme la bête ou l'animal qui s'est détaché de son collier qui le préserve et qui le protège, alors il n'y a aucune sécurité pour cette bête et aucune protection de la perdition et de se perdre et de s'égarer. Fin de la citation de l'imam al-Khattabi. Maintenant, on passe à la troisième, à la deuxième narration qui était rapportée à propos de des menaces et des châtiments qui ont été mentionnés au sujet de celui qui se sépare de la Jama'a. Et c'est la suivante. من تشديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها إخباره صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية وفي لفظ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج عن أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وأخرج الحاكم في المستدرك بلفظ من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه وقال من مات وليس عليه إمام جماعة فإنه موتته موتة جاهلية وأخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. Donc on va traduire maintenant toutes ces différentes narrations de ce hadith, et le cheikh il explique que comme deuxième exemple des châtiments et des menaces sévères qui ont été rapportées par Allah subhanahu wa ta'ala et son, par son messager sallallahu alayhi wa sallam, à propos du fait de se séparer de la jama'a et de délaisser la jama'a, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui meurt alors qu'il est sorti de l'obéissance du dirigeant et qu'il s'est séparé de la jama'a, eh bien sa mort sera comparable à la mort de l'époque de l'ignorance. Et il y a juste une note en passant aussi, c'est bien de clarifier, même si le cheikh il le clarifie lui aussi, mais c'est bien de le noter que lorsque on a dit par exemple tout à l'heure faqad khala'a ribqat al-islam min 'unuqih, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a retiré de son cou le collier qui le protège et qui le rattache à l'islam, ça ne veut pas dire qu'il est devenu mécréant ou qu'il est devenu kafir, mais ça veut seulement dire que il est sous la menace et qu'il est sorti de la jama'a. Donc il est tombé dans l'égarement, mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. De même que ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui s'est séparé de la jama'a ou qui est sorti de l'autorité du dirigeant, qu'il est s'il reste dans cet état et qu'il meurt, eh bien, il va mourir dans une mort comparable à celle de la jahiliya, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il meurt dans la mécréance, comme par exemple à l'époque de la jahiliya, non. Qu'est-ce que ça signifie quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il meurt comme la mort de la jahiliya? ça veut dire qu'il meurt dans l'état dans lequel vivaient les gens dans la Jahiliya par rapport à l'obéissance aux dirigeants. Puisque dans la Jahiliya, les Arabes se combattaient les uns les autres et chaque tribu rejetait l'autorité de l'autre. Et donc, ils n'avaient aucune unité et il n'y avait rien qui les rassemblait. Et ils n'avaient pas donc, aucune notion d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et donc, par conséquent, ils vivaient dans les guerres interminables et dans le chaos, hein, et dans la division et dans la faiblesse à cause de ça. Donc, l'islam est venu interdire ça et est venu ordonner aux croyants de s'unir et d'accepter et de se soumettre à l'autorité de leurs dirigeants et de lui écouter, hein, de l'écouter et de lui obéir dans le bien. Et donc c'est ça ce que ce hadith signifie, c'est ça. Et il a rapporté le hadith selon Al-Bukhari et Muslim dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari et de l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui déteste quelque chose de son dirigeant, alors qu'il soit patient. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas celui qui n'aime pas quelque chose de son dirigeant ou qui voit quelque chose de son dirigeant qu'il n'aime pas, qu'il se révolte contre lui ou qu'il appelle à la rébellion ou à la révolte. Non. Plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint les croyants d'être endurants et patients, de patienter face à ce mal. Hein? Le contraire de ce que font les gens de Bid'a et les Khawarij aujourd'hui, et les Ikhwan, et les gens de ces tendances. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il n'aime pas, hein, que ce soit un péché ou quelque chose qu'il n'aime pas par rapport à ses goûts personnels, alors qu'il soit patient. Parce que celui qui sort de l'autorité, même de la distance d'une main, et qu'il meurt dans cet état, eh bien sa mort sera la mort de la Jahiliya. Et dans une autre narration, celui qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il déteste ou quelque chose qui lui déplaît, alors qu'il soit patient avec lui. Parce que s'il se sépare de la Jama'a, hein, ne fût-ce que d'une main, hein, la distance d'une main, et qu'il meurt dans cet état, il mourra une mort de la Jahiliya, hein, de l'ignorance, de l'époque pré-islamique, de l'ignorance. Il est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sort de l'obéissance, c'est-à-dire qui cesse d'obéir aux dirigeants, qui refuse son obéissance, et qui se sépare de la Jama'a, hein, il quitte le corps des musulmans, il quitte le corps des musulmans qui se sont unis autour d'un dirigeant, et qu'il meurt dans cet état, eh bien sa mort sera une mort de la Jahiliya. Et celui qui combat sous une bannière aveugle, hein, et qui se met en colère, hein, qui se met en colère pour une forme de tribalisme, une forme de national, de fanatisme quelconque, pour une tribu ou pour une famille ou pour une, hein, un autre élément de ce genre. Yad'u ila asaba, hein, ou ila asabiyya. Il appelle à une forme quelconque de fanatisme et il vient au secours d'une forme de nationalisme ou de tribalisme et qu'il combat pour ça, eh bien, s'il meurt dans cette voie, eh bien, il sera mort dans la Jahiliya ou bien dans un état de jahiliya, d'ignorance. Et celui qui sort contre ma umma, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue dans le hadith, il dit: celui qui sort contre ma umma et qui frappe le bon et le pécheur et qui ne tient pas compte ou bien qui n'a pas de réserve, hein, de frapper les croyants d'entre la umma et qui ne respecte pas l'engagement de celui qui a pris un engagement avec les musulmans, parmi les non-musulmans, parmi les kuffars, alors il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. Il est rapporté également selon Muslim dans son Sahih, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: celui qui retire sa main de l'obéissance, il va rencontrer Allah au jour de la résurrection sans aucun argument en sa faveur. Et celui qui meurt et qui n'a pas dans son cou un serment d'allégeance envers le dirigeant et qui meurt dans cet état, eh bien, il va mourir dans un état d'ignorance, c'est-à-dire de jahiliya. Et il dit qu'il a été rapporté également par l'imam al-Hakim dans son livre al-Mustadrak, avec la narration suivante: celui qui sort de la jama'a, fût-il de la distance d'une main seulement, alors il a retiré de son cou le collier qui le préserve et qui le rattache à l'islam jusqu'à ce qu'il y revienne. Et il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: et celui qui meurt et qu'il n'a pas d'imam, il n'a pas de dirigeant de jama'a, et qui meurt dans cet état-là, sa mort sera une mort de jahiliya, une mort d'ignorance. Et il a été rapporté également par l'imam Ahmad dans sa Musnad, ainsi que Ibn Hibban dans son Sahih, selon Muawiyah radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt sans imam, c'est-à-dire sans dirigeant, alors il meurt dans une situation de jahiliya, dans un état de jahiliya, c'est-à-dire d'ignorance. Le cheikh, il explique maintenant la signification du terme al-jama'a. Qu'est-ce que ça signifie dans ces hadiths, al-jama'a? Il dit: al-muradu bil-jama'ati fi hadhihi al-ahadith hi al-jama'a al-muntazamatu binasb al-imam wa qawluhu qayd shibrin ay qayd qadrun yasirun وهي كيانة عن معصية السلطان ومحاربته قاله الحافظ ابن حجر. Donc ici le cheikh explique que ce qui est voulu par le terme al-jama'a, hein, ce qui est traduit par le groupe dans ces hadiths, c'est la jama'a qui s'est organisée et qui a désigné le dirigeant, qui a choisi le dirigeant, hein, et donc ils sont organisés autour de ce dirigeant-là. C'est ça la jama'a. Et comme on l'a expliqué, dans chaque pays musulman où il y a un dirigeant, eh bien, ce pays-là est considéré comme une jama'a, parmi les jama'a des musulmans. Et donc, les musulmans de ces différents pays doivent écouter et obéir à leurs dirigeants dans leurs pays respectifs, hein, dans le bien, et yani, faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. De leur donner le bon conseil, de donner la nasiha de la façon acceptable, qui respecte les principes de la sunna, hein, et d'ordonner le bien et d'interdire le mal selon les règles de la sharia et les conditions établies par les ulama selon le Coran et la sunna. Ensuite, il explique la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qayda shibrin. Il dit que ça signifie en une petite distance. Hein, peu importe, c'est mentionné, l'exemple ici est mentionné pour donner l'exemple de quelque chose qui est une distance petite. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se sépare de la jama'a, même si c'est d'une distance qui est très petite, hein, ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas désobéir au dirigeant et de ne pas lui faire la guerre, de ne pas s'opposer à lui, hein, de ne pas rejeter son autorité et son pouvoir. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « qayda shibrin », alors ça veut dire que la moindre petite opposition à son autorité représente une forme d'égarement, une sortie de la jama'a. Et également, yani, celui qui meurt dans cet état, il meurt dans la jahiliya. Ce n'est pas nécessaire donc que ce soit une sortie complète, hein? Mais juste d'une distance d'une main, ça veut dire même si c'est une petite opposition, ça suffit. Et donc, il dit le cheikh ensuite, قال الخطابي في كتابه العزلة فإن في فارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة أو الأمنة وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين أراهم مناقضة آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الألزام رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que l'imam al-Khattabi dans son livre Al-Uzla, il mentionne que la séparation, le fait de se séparer des imams, des dirigeants et des gouverneurs, eh bien c'est quelque chose qui divise hein, l'unité hein, et l'union entre les croyants et qui élimine la protection que les croyants ont par justement le fait de rester autour de leurs dirigeants. Et le fait de sortir de l'obéissance, eh bien, c'est quelque chose qui fait perdre également la sécurité que les musulmans, dont les musulmans profitent justement par le fait d'être unis et d'être autour de leurs dirigeants, unis autour de lui. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit lorsqu'il a mentionné, hein, et c'est ce qu'il a voulu lorsqu'il a dit, quiconque se sépare de la jama'a et qui meurt dans cet état, alors sa mort sera une mort de jahiliya. Et il dit, et ceci, et là il explique qu'est-ce que ça signifie, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire l'imam al-Khattabi, il dit, et cela signifie que parce que les gens de la jahiliya n'avaient pas de dirigeants qui les réunissaient sur la religion. Et il n'y avait rien qui les rassemblait sur une opinion unique. Plutôt, ils étaient tous divisés en des groupes différents et séparés. Et ils étaient tous divergents en sectes et en tendances et en sectes, des voies différentes et des opinions contradictoires et des religions qui s'opposent les unes aux autres. Et c'est ça qui les a appelés, qui les a amenés ou qui a amené beaucoup d'entre eux à adorer les idoles et à obéir au hasard et à des jeux de hasard. Hein? Et donc, il se base sur ces choses-là et il dit que c'était une opinion corrompue qu'ils avaient acceptée comme croyance et conviction en pensant qu'il y avait du bien dans ça. Et qu'il y avait comme dans ces idoles un bienfait et quelque chose de bénéfique, ou que cela pouvait repousser un mal, hein, un mal quelconque. Fin de la citation de l'imam al-Khattabi. Donc, c'est-à-dire que la division de la jama'a et le fait de se séparer de la jama'a et de rejeter l'autorité du dirigeant, c'est ce qui a amené justement les mouchriquines à tomber dans l'idolâtrie également. Hein? Puisqu'ils n'ont pas été capables de s'unir dans la croyance et dans la religion. Le point numéro 3. وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِخْبَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ بِأَنَّهُ لَا يُسْأَلْ عَنْهُ كِيَانَةً عَنْ عَظِيمِ هَلَكَتِهِ. Donc la troisième narration qui a été rapportée au sujet hein, des châtiments et des menaces pour celui qui se sépare de la jama'a, hein, le cheikh il a dit également parmi les choses qui ont été rapportées sur les menaces au sujet de celui qui se sépare de la jama'a, c'est que on ne demande pas à son sujet, hein, la yus'al anhu. On va pas lui poser de questions, ou bien demandez pas à son sujet. Et c'est dans le but de dire que son cas est tellement grave, hein, que c'est même pas nécessaire, ou ça vaut même pas la peine de demander à son sujet, hein, pour de se renseigner à son sujet ou de demander à son sujet, tellement son égarement et sa perdition est profonde et grave. Et donc, le cheikh, il mentionne à ce sujet-là des hadiths. Et c'est ça qu'on va lire maintenant. Le cheikh, il dit, « Akhraja Ahmad, rahimahullah, fil musnad, wal Bukhari fil adab il mufrad, an Fadala, ibn Ubaid, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, thalathatun la tus'alu anhum. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبقى فمات وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده سبحان الله فلا تسأل عنهم الحديث صححه الحاكم في المستدرك وابن حبان وقال ابن عساكر حديث حسن غريب تفرد به أبو هاني حميد بن هاني ورجال إسناده ثقات انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il rapporte le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans sa musnad, ainsi que par l'imam al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Et Al-Adab al-Mufrad, c'est un livre que l'imam al-Bukhari a composé. Il l'a appelé al-Mufrad. Pourquoi il l'a appelé al-Mufrad? Parce que dans son livre Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre qui s'appelle Al-Adab, Kitab al-Adab. Tandis que ce livre, Al-Adab al-Mufrad, c'est un livre séparé qui s'appelle Al-Mufrad, qui n'est pas le même Al-Mufrad que celui qui est dans le Sahih. Et donc, dans son livre Al-Adab Al-Mufrad, il mentionne certaines règles par rapport au comportement et aux manières et aux étiquettes, hein, que le musulman doit respecter. Et donc, il l'a appelé Al-Adab al-Mufrad. Et une chose qui est importante de savoir à propos de Al-Adab al-Mufrad, c'est que contrairement au Sahih de l'imam al-Bukhari, eh bien, ce ne sont pas tous les hadiths qui sont dedans qui sont authentiques. Donc, il y a dedans le hadith qui est authentique et il y a dedans aussi des hadiths da'if. Parce que dans ce livre, l'imam al-Bukhari n'a pas exigé les mêmes conditions d'authenticité que pour son sahih, hein, pour son sahih. Donc ça c'est une chose importante à mentionner en même temps, mais c'est malgré tout un livre extrêmement bénéfique et un très bon livre, hein, et le tahqiq de ce livre a été fait par Cheikh Al-Albani. Il a séparé entre les hadiths sahih et ceux qui ne sont pas sahih. Donc c'est un livre très très intéressant, très bénéfique. Et donc, il rapporte dans Al-Adab al-Mufrad aussi, selon Fadalat ibn Ubaid, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, il y a trois personnes, tu n'as pas besoin de demander à leur sujet, tellement leur crime est grave. Hein? Un homme qui s'est séparé de la jama'a, qui a désobéi à son dirigeant et qui est mort dans la désobéissance. Le deuxième, une esclave ou un esclave qui se sont enfuis et qui sont morts, hein, dans cet état. Donc ça, c'est grave. Et également, une femme hein, dont le mari s'est absenté, hein, et lui a laissé tout ce qu'elle avait besoin pour sa dunya, et qui, yani, par la suite, s'est exhibé et a montré ses charmes aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne demande même pas à leur sujet, ou ne demande même pas sur leur cas, tellement c'est grave, tellement leur perdition est grande. Et il dit que Al-Hakim l'a authentifié dans Al-Mustadrak, ainsi que Ibn Hibban. Et il dit que Ibn Asakir a dit, c'est un hadith qui est Hassan, Gharib, et c'est Abu Hani, Humayd ibn Hani, qui l'a rapporté. Et les hommes de la chaîne de transmission de ce hadith sont des rapporteurs qui sont fiables. Intaha kalamuhu, fin de la citation. De même que Al-Haythami, il dit, قال الهيثمي في مجمع الزوائد روى رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات وقال المناوي في فيض القدير قوله ثلاثة لا تسأل عنهم أي فإنهم من الهالكين رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده أو ببدنه ولسانه الجماعة المعهودين وهم جماعة المسلمين وعصى إمامه إما بنحو بدعة كالخوارج وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيالا أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض فكل هؤلاء لا يسأل عنهم لحل دمائهم انتهى كلامه. Donc ça c'est yani un hadith très important. Ici, Al-Haythami, yani, il continue à expliquer le hadith, ou plutôt il mentionne à propos de ce hadith-là que l'imam Al-Bazzar, il l'a rapporté, de même que Al-Tabarani dans Al-Kabir, et les hommes de sa chaîne de transmission sont fiables. Donc il rajoute encore plus de clarification sur le degré et l'authenticité du hadith. Ensuite, il cite l'imam al-Manawi, ou al-Hafiz al-Manawi, dans son livre Fayd al-Qadir, qui est le charh, hein, un charh d'un livre de hadith. Je ne me rappelle plus le livre en question, mais en tout cas, al-Manawi, il a fait le charh d'un livre de hadith et son titre c'est Fayd al-Qadir, et dedans il explique les termes de ce hadith là, surtout en ce qui concerne l'obéissance aux dirigeants. Et donc il dit, il y a trois types de personnes, ne demandent pas à leur sujet, hein, parce que ce sont des gens qui sont yani, perdus, ils sont dans la perdition et ils vont périr, donc leur cas est grave. Et le premier, il dit, c'est un homme qui s'est séparé, et il explique le cheikh, c'est-à-dire il s'est séparé de la jama'a par son cœur, par sa langue et par sa croyance, ou bien par son corps et par sa langue, de la jama'a, et c'est-à-dire de la jama'a qui est connue comme étant celle qui yani, s'est réunie autour de son dirigeant, donc le corps des musulmans dans un pays musulman. Hein, et qui a désobéi à son dirigeant, soit par une bid'a, comme la bid'a des Khawarij, ou bien par une transgression, une rébellion, hein, ou le fait de vouloir prendre les armes et faire la guerre contre ce dirigeant, alaykoum salam wa rahmatullah, ou bien le fait de montrer que la personne elle s'oppose à la jama'a, par exemple dans les obligations et les actes d'adoration obligatoires. Donc toutes ces différentes personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les trois personnes qu'il a mentionnées, il dit « la yus'al anhum », hein, vous n'avez pas besoin de demander à leur sujet, puisque le sang de ces gens-là, de cette catégorie-là, il a été